Chapitre 11e, la nourrice bretonne. Cette révélation causa aux deux frères un profond émoi. Le comte de la Guérinière, dirent-ils, c'est lui que nous trouvons à tout instant en face de nous, c'est lui qui nous devance chez maître Béjanet. Quand serons-nous débarrassés de ce misérable ? Ah, dit Paulin Broquet, c'est un bel adversaire. Puis, avant de se retirer, il donna quelques instructions aux deux frères. Il devait demander à M. Brunel les talons des envois d'argent remis par la poste et que la banque montrait et conservait. Les talons datant de quelques jours avant ou après le 15 mai seulement. Parmi eux, nous trouverons peut-être le talon de l'envoi de 10 000 francs, si M. Montreuil a fait expédier cette lettre chargée par la banque. Alors il nous sera facile probablement de remonter jusqu'au destinataire, de connaître le nom de cette personne dont on a seulement le dossier, et de trouver le mot de l'énigme du dossier mystérieux. Raoul fit les démarches à la banque en compagnie de M. Brunel, et le lendemain il disait à Paulin Broquet que l'on avait relevé dans les environs de la date portée sur la fiche du dossier mystérieux aucun envoi de 10 000 francs. « Tant pis, » dit Paulin Broquet. « Alors deux explications nous restent pour solutionner cette angoissante note. La première est que M. Montreuil a fait lui-même cet envoi. En ce cas, il nous faudra renoncer à prendre quoi que ce soit, puisque nous ne trouvons qu'un talon d'envoi depuis l'origine du dossier. Ce serait désespérant. Mais la seconde ? La seconde me paraît la bonne, la vraie. M. Montreuil a un complice dans cette affaire. Un complice ? Oui. Et à mon avis, c'est chez ce complice que nous trouverons non seulement le dernier talon, mais tous les reçus des envois précédents depuis le début. Je crois que le dossier que nous détenons ici, qui nous préoccupe tant, a un dossier jumeau, ou plutôt un dossier complémentaire chez le complice. Et ce complice, c'est maître Béjanet. Les deux frères écoutaient anxieusement les paroles de Paulin Broquet. Elles les navrèrent. Alors, firent-ils avec accablement, nous ne saurons jamais rien. Car pas plus que la première fois, pour le document qui causa la mort de notre père, maître Béjanet, esclave du secret professionnel, ne parlera, ne trahira son amitié. Je n'en doute pas. Mais nous nous passerons du concours de maître Béjanet. Comment ? Vous espérez être plus heureux que nous ? Et comme le comte de la Guérinière arrivait à force à piller le coffre-fort du notaire ? Inutile. D'ailleurs, actuellement, cela ne servirait à rien. Pourquoi ? Parce que ce dossier n'est plus dans le coffre-fort de maître Béjanet. Où est-il ? Chez le comte de la Guérinière. Raoul et Robert portèrent sur le détective des regards absolument effarés. Paulin Broquet prit son temps. Il roula une nouvelle cigarette et l'alluma minutieusement. Puis il reprit. Je suis persuadé qu'une des raisons pour lesquelles les Igomard, ou, si vous le voulez encore, le comte de la Guérinière, Pierre, le coffre-fort du notaire, était non seulement de prendre connaissance du document que vous désirez voir, et que certainement connaissait, mais surtout de faire disparaître le dossier qui complète celui-ci, et qui nous permettra de trouver la vraie voie, la filière. Le dossier contenant les noms, les motifs et la preuve qui jetteront enfin les coupables entre les mains de la justice. Mais, dit Raoul, si le comte de la Guérinière a volé le dossier accusateur, accablant, eh bien, je m'en passerai, voilà tout. Paulin Broquet ajouta. D'ailleurs, nous avons déjà un commencement de réponse. Où le voyez-vous ? Là, sur les fiches même, pas sur toutes, mais sur quelques-unes, sur la dernière précisément. Voyons. Paulin Broquet indiqua du doigt le coin de ses fiches. « Voyez à côté de R, qui veut dire « répondu », ce signe. C'est aussi une lettre. Ça, parfaitement. Regardez bien, c'est un V. Un V. Qu'est-ce que cela peut, dans ce cas, signifier ? Beaucoup de choses. C'est à deviner encore. Cela veut dire « vu »,« avoir »,« verser »,« valeur »,« venir »,« vendredi », »,« que sais-je » ou « victoire ». Et « victoire », c'est le bout du fil de ce labyrinthe. « Victoire ». S'écrièrent les deux frères. « Parfaitement. La rue Notre-Dame des Victoires, où est l'étude de maître Béjanet. » « C'est juste. » « Voilà qui confirme votre opinion. D'abord, cela peut être aussi la première lettre du nom du destinataire, du nom que nous cherchons, que nous tenons tant à connaître. »« Peut-être. » « Nous verrons, » dit Paulin Broquet. « Donc, maintenant, sans tarder, il faut que je sache à qui le banquier Montreuil envoyait cet argent de façon anormale, mystérieuse. » À qui et comment ? Alors, nous saurons pourquoi, et le problème sera résolu. Sans doute, mais comment faire ? Paulin Brocaire répondit en souriant. « Permettez-moi, puisqu'il s'agit de dossiers mystérieux, d'avoir aussi mon secret. » Quelques jours se passèrent. Naturellement, Robert et Raoul conservaient leur valet de chambre pour ne pas donner au dehors en le renvoyant l'éveil aux zigomars et ne pas inquiéter chez eux leur mère ou leur sœur qui eussent voulu connaître la raison de ce renvoi. Tout donc semblait suivre, dans l'hôtel du financier Montreuil, son cours paisible et régulier. De même autour de la maison de Paulin Broquet. Les lieutenants du détective et le chef s'ingéniaient à déjouer les ruses d'espionnage des zigomars. Ils y réussissaient fort bien. Or, un après-midi, cette apparente quiétude fut troublée de la façon la plus inattendue par l'arroseur municipal, chargé de rafraîchir et de laver cette partie de l'avenue Trudaine et les rues qui entourent le square d'Anvers. Il est là un coin de rue qui offre une physionomie toute particulière et des plus amusantes. Le long du collège Rollin qui procure une ombre propice, sur le trottoir très large de la rue d'Anvers et de l'avenue Trudaine, tous les jours, quand il fait beau, on voit quantité de voitures d'enfants. C'est le rendez-vous des nourrices et des mamans du quartier qui viennent faire prendre l'air aux bébés. Pendant que les enfants déjà grands jouent sur le trottoir ou la chaussée, où il ne passe que de rares véhicules, les mamans, les nourrices, assises sur des pliants, surveillent les bébés dans leurs voitures, causent entre elles, lisent ou font de petits travaux de couture, de la broderie et surtout échangent et amplifient les bruits du quartier, les cancans domestiques. Vers 4 heures, un arroseur, avec des précautions infinies, mouillait régulièrement la chaussée, donnait un peu de fraîcheur et faisait, à la grande joie des gamins, prendre leur douche aux fox-terriers effrontés qui sautaient par jeu après le jet d'eau amoindri. C'était un vieux brave homme que cet arroseur. Depuis de longues années, on le voyait remplir ponctuellement, habilement, avec une complaisance sans égale, sans service. Or, ce jour-là, comme il arrosait le pavé de bois de l'avenue Trudaine, tout à coup, à la suite d'un mouvement que nul ne s'expliqua, par on ne sait quelle inadvertance, tout à coup le jet de sa lance, qui formait panache au milieu de la chaussée, se tourna et vint en pleine force tomber sur le trottoir dans la voiture d'enfant qu'une jeune nourrice bretonne, fraîche et rebondie, venait depuis quelques jours promener ici. Le jet d'eau entra sous la capote de cuir et inonda absolument la voiture. Aussitôt les mamans, les nourrices poussèrent des cris d'affolement. On crut l'enfant noyé. Et chacune redoutant le même malheur pour le sien, emporta son poupon poussant sa voiture. Ce fut une fuite éperdue, une débandade générale. Plus que tout autre, le vieil arroseur sembla épouvanté de l'acte qu'il venait si maladroitement de commettre. Il arrêta sa lance, l'abandonna sur la chaussée et courut vers la nourrice bretonne pour lui exprimer ses regrets, pour s'excuser et réparer autant que cela lui serait possible les dégâts. Mais la nourrice paraissait affolée, elle poussait des cris « Au secours! Au secours !» Elle s'empara de son poupon tout ruisselant d'eau, l'enleva d'un mouvement brusque, le mit sous son bras. Puis, retroussant ses jupes, toujours criant, elle se mit à courir de toutes ses forces et avec une vitesse dont jamais on n'aurait pu croire capable une bonne grosse nourrice bretonne. Quand l'arroseur arriva à la voiture de l'enfant inondé, la voiture était vide, et la nourrice se trouvait déjà loin dans la direction de la rue Gérandeau. Aussitôt, le vieil arroseur bondit, se précipita, et avec une vitesse que certes on n'eût jamais soupçonnée chez ce brave homme, il se mit à la poursuite de la bretonne. Mais les mamans, les autres nourrices, les gamins apeurés, se bousculant dans leur fuite, les gens qui, au cri, accouraient de tous côtés, le gênaient, l'arrêtaient dans sa poursuite. Tandis que la nourrice bretonne s'éloignait de plus en plus, tous ces gens se retenaient, s'accrochaient à lui, se pendaient à ses habits. Les gardiens du square, des badauds de bonne volonté, sans savoir pourquoi, s'imaginaient qu'il était de leur devoir d'honnête citoyen d'arrêter cet homme. Le brave arroseur se secouait comme un sanglier sous la meute qui le harcèle, se débarrassait des importuns comme il pouvait, ceux-ci d'autant plus empressés que leur concours n'avait aucune raison d'être. « La nourrice !» criait l'arroseur. « Vite à la nourrice, la bretonne !» Il dut, pour se dégager, employer la force. Quelques crocs en jambes, quelques coups au creux de l'estomac envoyèrent rouler sur le pavé les plus tenaces et il put reprendre sa course. Mais la nourrice avait rencontré une voiture automobile qui, par hasard, précisément, roulait tout doucement dans la rue Gérandeau. La bretonne fit un bond et tomba avec son poupon sur les coussins du fond. La voiture automobile allait repartir en vitesse quand l'arroseur sauta sur le marchepied et essaya de saisir à la gorge la nourrice. Cette extraordinaire bretonne n'avait pas que de bonnes jambes, de bonnes joues rebondies, mais aussi des poings solides. Les poings s'abattirent comme grêle sur le crâne du vieil arroseur qui répondit de son mieux. La bataille singulière se serait bien continuée. Cet étrange et imprévu assaut de boxe aurait pu durer longtemps encore si la voiture, partant d'un bond sous la poussée du moteur, n'eût fait perdre l'équilibre à l'arroseur. Il poussa un cri et roula sur la chaussée. Mais en tombant, il avait enlevé des bras de la nourrice l'enfant tout ruisselant d'eau. Et un cri d'épouvante, d'horreur, retentit. On vit l'enfant tomber avec le vieil arroseur. Le petit passa sous les roues de l'automobile, qui, dégagé, libre, s'enfuit en belle vitesse. Quand l'émotion, l'épouvante que causa cet atroce accident fut un peu calmée, on se précipita au secours du vieil arroseur, on s'apprêta à ramasser le corps de l'enfant qui devait être écrasé, aplati, mis dans un état indescriptible. Cependant, l'arroseur se relevait tout seul. Il étendit la main, et avant qu'on l'approchât, il se saisit de l'enfant par une des petites mains inertes. Et comme deux agents étaient accourus, « C'est bon, » dit-il, « allons au commissariat nous expliquer. » Il releva tout à fait le petit corps écrasé, le plia en deux, le mit sous son bras, très tranquillement. À l'effroi, l'angoisse, l'horreur du premier moment, fit place chez les spectateurs de cette terrible scène une stupéfaction profonde. La nourrice bretonne qui courait si bien, qui boxait avec cette perfection, était un homme. Et l'enfant qu'elle gardait dans la voiture, l'enfant douché par l'arroseur, écrasé par l'automobile, était tout bonnement une poupée. Les deux agents disaient à la foule, tout en amenant l'arroseur au commissariat voisin de la rue Beauchard de Saron, « Allons, circulez. Vous ne voyez pas que c'est pour faire un film. C'est pour le cinématographe. » Alors la foule éclata largement de rire, et chacun se moqua de son voisin qui s'était laissé prendre à cette comédie. Cependant, tout en se démaquillant pour rentrer chez lui, Paulin Broquet disait, dans le cabinet du commissaire, à ses lieutenants Gabriel et Lamorce, les deux agents, « Je crois qu'après cette douche, Zygomar comprendra que toutes ces ruses nous les devinerons et qu'il nous laissera la paix. » Mais il ajouta, « Ce que j'aurais voulu cependant, c'est arracher le maquillage de la nourrice, pour voir si je ne me trompais pas et si cette bretonne appétissante était bien le comte de la Guérinière. »